Bonjour à tous. Toute cette semaine, dans cette grande traversée, France Culture vous propose de vous plonger dans la vie et l'œuvre d'Alan Turing, mathématicien, pionnier de l'intelligence artificielle et esprit libre. Qui êtes-vous ? Alan Turing. Ah, Turing, le mathématicien. Exact. Alan Matheson Turing, 1912 to 1954. Father of computer science, mathematician, logician, wartime codebreaker, victim of prejudice. L'énigmatique Alan Turing ou comment programmer sa vie. Amaury Chardot, Romain Weber, Yvon Croisier. Oh, I feel strange. Alan Turing est né en 1912 et il est mort en 1954. Entre-temps, il a inventé l'ordinateur et puis il a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Turing, grâce à ses travaux, a permis d'écourter la guerre de 2 ans. Turing est un héros qui avait tout pour rester inconnu et c'est un héros qui est devenu une célébrité. Alan Turing est un personnage éminemment romanesque. C'est un destin tragique. C'est un personnage fascinant. Ce type est un génie. Alan Turing, c'est d'abord un chercheur. Le père de l'informatique, quand même. Le père de l'intelligence artificielle. Il s'est demandé, qu'est-ce que ça voudrait dire penser pour une machine. Et puis, c'est un excentrique anglais dans le bon sens du terme. Qui était mal à l'aise, qui avait du mal à parler aux gens, et quand même quelqu'un de très aimable. Ça peut paraître assez étonnant quand on se dit, mais ce génie des mathématiques, il est fan de Blanche-Neige et les Sept Nains. Libre penseur dans une société qui était très puritaine. Turing est devenu véritablement une icône de la fierté homosexuelle, de la revendication des droits des homosexuels. Quand on sait que l'inventeur de l'ordinateur devait être aussi un coureur de fond pour les Jeux Olympiques, enfin ça en dit long un petit peu sur cette espèce de personnage un peu venu d'ailleurs, quoi. Alan Turing est l'une des très rares personnes dont on peut dire, si ça se trouve, si lui avait pas été là, l'histoire du XXe siècle aurait été différente. It was raining. It had never rained. Il pleuvait ce jour-là. Jamais depuis des décennies, il n'avait autant plu. Mrs. Clayton was an old lady. Madame Clayton, une vieille dame, était la femme de ménage d'Alan Turing. Tous les jours, elle se rendait chez lui et l'aidait tant il était maladroit. Mais ce mardi, il pleuvait, elle est allée chez Alan Turing à Winslow, elle a ouvert la porte et elle a senti une odeur inhabituelle. Elle a remarqué qu'il n'avait pas ramassé le lait qu'on lui avait livré. Elle est montée et elle l'a vu allongé sur son lit avec une moitié de pomme à côté de lui. Une pomme empoisonnée. Le sommeil de mort. Oh ! Une tranche de la pomme empoisonnée et les yeux de la victime se fermeront à jamais dans un sommeil de mort. 8 juin 1954, banlieue de Manchester, Jean Lassaigue. Une femme rentre dans une maison. Ben, cette femme, c'est la femme de ménage qui vient faire le ménage chez Alan Turing et qui découvre Turing, plutôt son cadavre, sur un lit, avec de la bave aux lèvres. Bon, donc elle doit, j'imagine, appeler immédiatement la police qui vient et qui constate le décès de cet homme, et un décès peu banal, puisque Turing avait fait macérer une pomme dans du cyanure, et que c'est en mangeant cette pomme qu'il est passé de vie à trépas. Sachant que Turing, en 1938, quand il faisait son PhD de Princeton, à Princeton en logique mathématique, avait vu 8 fois Blanche-Neige et les 7 nains. C'était un film qui l'avait complètement marqué, donc un dessin animé. Et comme chacun sait, il y a aussi une histoire de pomme que Blanche-Neige va avaler, mais pas complètement, puisque la pomme reste coincée dans sa gorge et que finalement elle ne meurt pas. Tandis que lui, Turing, meurt. À ce qui paraît, il chantait la chanson de Blanche-Neige absolument constamment. Donc ça devait faire écho à une situation psychique. En tout cas, c'est pas un suicide tout à fait banal. Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Vois apparaître sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donner envie de te croquer. David Lagercrantz, est-ce qu'on sait s'il y a eu une autopsie du corps de Turing ? Yes, it was an autopsy. Oui, il y a eu une autopsie rapide par laquelle ils se sont rendus compte qu'il était mort par empoisonnement au cyanure. Parce que la pomme, elle, n'a jamais été analysée. Non, la pomme n'a pas été analysée. L'enquête de police a été bâclée et s'en a été terminée. Laurent Lumière. Alors, c'est une mort assez inédite, romanesque, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a généré pas mal de légendes urbaines. C'est quand même un spécialiste de la cryptologie, c'est-à-dire de tout ce qui est messages cachés, etc. Alors, est-ce que lui-même a mis en scène sa propre mort? Mais est-ce qu'on a tous les éléments pour décoder cette mort-là? Parce qu'on a effectivement la pomme, le cyanure, et puis c'est tout. Il y a beaucoup de mystères dans la vie d'Alan Turing. Mais en fait, toute sa vie est un mystère. Comment a-t-il pu découvrir des choses si étranges par rapport à son époque? Donc sa vie entière est un mystère. Et bien sûr, il y a une autre interrogation. Que s'est-il passé ce dernier jour à Wimslow? Que s'était-il passé ce jour de juin 1954 pour pousser au suicide l'un des plus grands cerveaux de son temps? Certes, le week-end précédent, il avait beaucoup plu sur le nord de l'Angleterre. Jamais, paraît-il, on n'avait vu un dimanche de Pentecôte s'abattre autant d'eau sur Manchester, son centre ancien, l'université prestigieuse où étaient conduites les recherches sur d'étranges machines, et puis, aux marges de la ville, sur les quartiers résidentiels comme à Wimslow. La même où, 3 ans plus tôt, Alan Turing s'était enfin acheté une maison dont il aimait cultiver le jardin et où il pouvait enfin, à loisir, recevoir amis et amants, estimant que son homosexualité n'avait pas à être cachée. Or, en 1948, date à laquelle nous reprenons notre récit, il est des codes qui, dans l'Angleterre puritaine, s'avèrent encore plus coriaces à casser que ceux de la machine Enigma que Turing était parvenu, pendant la guerre, à déjouer. Épisode 3, le bug. « Manchester est célèbre pour la mise au point de certains des premiers ordinateurs fonctionnels, mais ce qui est intéressant, c'est que Turing n'avait presque aucun rôle dans la conception informatique à Manchester. Ses idées avaient évolué. Il travaille maintenant sur les plus grandes questions philosophiques et scientifiques qui émergent du développement des ordinateurs. Comment utiliser des ordinateurs plus rapides et plus puissants? Serait-il, par exemple, possible de faire un ordinateur capable de penser? James Sumner, vous êtes historien des technologies ici à l'Université de Manchester. Comment ça se passe quand Turing arrive à Manchester en septembre 48? Turing ne se sentait pas à sa place à Manchester, mais pour lui, cela avait toujours été le cas dans le passé. Il trouvait la vie, assez sale. Et il avait choisi de vivre dans une petite ville nommée Wilmslow, à 18 kilomètres. Parfois, il courait toute la distance jusqu'à l'université. Paru dans l'Evening News à l'occasion d'une course, le Boxing Day. L'athlète électronique. À l'opposé de l'image populaire du scientifique, Alan Matheson Turing, célibataire de 34 ans, grand et modeste, partira en dernière ligne de la course à handicap de 3 miles organisée par le Walton Athletic Clubs pour le Boxing Day. Bien que ce soit sa première saison dans les meetings, Turing est le meilleur coureur de fond de son club. Il est docteur Turing et on lui doit la conception de l'Automatic Computing Engine, plus connu sous le nom de cerveau électronique. Il se montre très discret au sujet de ses prouesses, tant sportives que scientifiques, attribue aux Américains l'essentiel du travail effectué sur l'ACE, assure qu'il court pour garder la forme, mais reconnaît qu'il faisait partie de l'équipe d'aviron de son collège à Cambridge. Andrew Hodges, biographe d'Alan Turing. La période où il court vraiment sérieusement, c'est plutôt vers 1946-47. Mais il a continué de courir à Manchester. Et ce qui est amusant, on l'a découvert récemment, c'est qu'il avait un compagnon d'entraînement. Un jeune lycéen de Manchester, Alan Gardner. Ils allaient courir ensemble 2 soirs par semaine. À l'époque, courir n'était pas du tout à la mode, c'était peu commun. Ça ne passait pas inaperçu, surtout le soir. Ils discutaient tous les deux, parfois même d'intelligence artificielle. C'est un exemple de la façon dont il menait sa vie comme il l'entendait, dans cet étrange milieu. Hello, welcome to the School of Computer Science. Bonjour, bienvenue à l'école d'informatique. Nous sommes dans le bâtiment Tom Kilburn à l'Université de Manchester. My name is Eva Navarro. Je m'appelle Eva Navarro. We are going to show you around the pieces of the computers that were built. Et nous allons vous montrer des pièces d'ordinateurs construites à Manchester. The history of computer science. Et qui sont très importants dans l'histoire des sciences informatiques. We are going to see some remaining pieces from the baby, which was the first computer in the world. Nous allons voir quelques pièces des vestiges du baby, program. Qui était le premier ordinateur du monde avec programme enregistré. So the first one, the baby was running. The 21st of June of 1948. Baby a fonctionné la première fois le 21 juin 1948. Alan Turing n'a pas participé à la conception du Baby parce qu'il est arrivé à Manchester juste après qu'il a été lancé en juin. Mais on peut dire que Baby a été inspiré par l'idée de la machine universelle d'Alan Turing qu'il avait décrite dans son article de 1936, la fameuse machine de Turing. Mike Courton, vous êtes-vous étudiant en mathématiques et en sciences de l'informatique ici à Manchester face à cette reproduction de l'ordinateur Baby sur lequel Turing travaille quand il arrive en 1948. Est-ce qu'on peut décrire à quoi ça ressemble ? C'est très difficile parce qu'en effet, si on s'imagine un ordinateur, on pense de quelque chose de petit. Bien sûr, le Manchester Baby est énorme. Donc on voit beaucoup de tubes, beaucoup de câbles. C'est vraiment un truc énorme de dimension à 5 sur 2 mètres. Il y a beaucoup de tubes et des câbles, oui, c'est comme ça. Et un petit écran. Et donc il y a un tube cathodique et puis à côté, il y a un petit processeur pour faire tourner des programmes très simples. Pierre Mounier-Kuhn, professeur d'histoire des sciences. Juste pour voir si le concept de programme enregistré est viable. Et une fois cette démonstration faite, les ingénieurs de l'université de Manchester se lancent dans la construction d'une grosse machine capable de traiter les calculs importants que demandent les autres sciences, la physique, la chimie, éventuellement l'ingénierie, l'aéronautique, etc. Et c'est sur cette grande machine qui s'appelle Manchester Mark One que Alan Turing travaille. Cette machine, c'est celle-ci. Cette machine, c'est celle-ci. C'est une machine de laboratoire. C'est une machine expérimentale qui est faite d'un entassement assez peu esthétique, sauf si on aime le cyberpunk, de dizaines de racks avec des milliers de tubes de résistance soudés avec des condensateurs, des tubes cathodiques, des iconoscopes, évidemment tous les appareils de contrôle qu'on trouve habituellement dans les laboratoires d'électronique, des appareils pour mesurer les fréquences, le voltage, l'ampérage. C'est un entassement de matériel de laboratoire électronique, mais qui est capable de faire des calculs à partir d'un programme enregistré. Et il y a des câbles qui courent au plafond. Enfin, ça ferait hérisser les cheveux de n'importe quel inspecteur du travail ou de n'importe quel spécialiste des normes industrielles aujourd'hui. Tout ça dans un vieux bâtiment en briques, plancher et fenêtres fermées. Il devait faire une chaleur de dingue là-dedans. On est dans les universités anglaises du milieu du XXe siècle. Donc ce sont ces grands bâtiments de briques, pas forcément très joyeux. C'est fonctionnel. L'ordinateur chauffe énormément. Donc en hiver à Manchester, c'est bien agréable. En été, on étouffe. Et l'inconvénient principal, c'est que les tubes claquent. Et quand vous en avez des milliers dans une machine, forcément, vous risquez fort d'avoir une panne par heure ou même une panne par demi-heure. Donc, le premier souci des ingénieurs qui développent les premiers ordinateurs, c'est d'améliorer la fiabilité. Leur premier souci, ce n'est pas d'inventer une science informatique. Ça, c'est un concept qui n'arrivera que beaucoup plus tard. Leur préoccupation, ça n'est pas des concepts abstraits de logique mathématique. Un des objectifs de ces équipes qui réalisent les premiers ordinateurs, c'est de produire de la confiance. Ces fenêtres du haut, là, un petit bâtiment en briques, deux étages, 9 fenêtres donnant sur l'intérieur du campus de l'université. Et donc le bureau d'Alan Turing, lui, était de l'autre côté. Oui. Dermot Turing, vous êtes déjà rentré, vous, dans ce bâtiment où travaillait votre oncle ? Il y a des changements depuis 100 ans, mais actuellement, il y a une nouvelle porte juste là. Et sur la muraille, il y a une plaque bleue. L'Université de Manchester rend hommage à Alan Matheson Turing, créateur de la science informatique, casseur de code et mathématicien. Sur la façade, ce petit macaron commémoratif. Oui. C'était tout à fait différent que les années précédentes, parce que c'est une grande cité. C'était pas comme une cloître. Sa vie à Bletchley et à Cambridge, ces grands mélanges de gens, c'était tout à fait différent. Mais pour la première fois, il a acheté une maison pour lui seul et il a trouvé beaucoup des amis. Oui, c'était un temps heureux, oui, je crois. Sa maison à Wimslow, en banlieue sud de Manchester, une quinzaine de kilomètres d'ici, c'était sa première maison? C'était dans la campagne, pas la banlieue. Let me try this in English, it would be easier. Il courait depuis sa maison de Wimslow jusqu'à l'université. La distance étant idéale pour s'entraîner sur de longues distances. Un jour, la femme de ménage de l'université est arrivée et au milieu de la pièce, il y avait un pantalon abandonné. Alan Turing, there is no changing room for. Il n'y avait pas de vestiaire pour les professeurs pour qu'ils se changent. Donc il avait laissé son pantalon étalé en plein milieu. Donc, oui, il était excentrique. Andrew Hodges. Il avait certainement une personnalité assez tactile et j'imagine de l'énergie physique à revendre. En partie, selon moi, pour ne pas penser à longueur de temps au sexe. C'est comme ça que ça marche, le corps. Et je crois qu'il en était très conscient. Il just liked the fact that he actually could do something. Il était sans doute content de pouvoir faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec les maths, la science, etc. Être juste quelqu'un d'ordinaire, faisant une activité physique avec des gens d'autres milieux, plus populaires, dans son club d'athlétisme. Il voulait rester jeune, c'est sûrement vrai aussi. Il a toujours semblé très jeune. Il n'avait pas pris une ride à 40 ans. Et il voulait vraiment être vu encore comme un jeune homme. Et y compris dans sa vie sexuelle. Il a toujours eu une vie sexuelle et affective extrêmement contrariée, Turing. Laurent Alexandre. Ce n'est pas un homme qui a été très heureux. Il avait des relations homosexuelles, mais tardives. C'est une époque où il n'osait pas mettre en scène, en tout cas mettre sur le devant de la scène son homosexualité. Donc c'était une sexualité cachée, c'était une sexualité, une homosexualité qui le culpabilisait beaucoup et qui d'ailleurs l'a conduit à avoir les problèmes juridiques que l'on sait. Ça l'a psychologiquement épuisé. Tout ça n'était pas très heureux. Jonathan Swinton, vous êtes chercheur indépendant en histoire des mathématiques et des théories biologiques ici à Manchester. À quoi ressemble la ville que découvre Alan Turing ces années 48-49? Well, what he specifically remembered it as or wrote described it as was dirty. Il la décrivait comme crasseuse. Was dirty was because Manchester had been burning coal for 100 years. C'était sale parce que Manchester brûlait du charbon depuis 100 ans pour mener sa révolution industrielle. In the center of Manchester. But il y avait des mines de charbon dans le centre de Manchester. Quand on voit une ville sale aujourd'hui, on pense à une ville en déclin. Mais à cette époque, si une ville était sale, ça voulait dire que les usines fonctionnaient. Donc bien que sale, c'était une ville puissante. C'était une ville avec de l'industrie, de la technologie. Il y avait des entreprises électroniques qui, pendant la guerre, avaient fait de gros profits avec les secteurs émergents. Out of radar, which would be really significant, out of radio. Les radars, la radio. So those technologies are in the city, and of course Donc ces technologies se trouvent dans la ville. Et bien sûr, une partie de la richesse générée allait à l'université. Donc cette université n'était pas juste une école technique pour préparer des dirigeants industriels, mais également un endroit de fierté civique. Vous avez vu les beaux et grands bâtiments de l'université sur Oxford Road. Ils sont là pour dire « Manchester est une ville de culture, une ville de richesse ». Et c'est comme ça qu'on doit en parler. Voilà la ville dans laquelle il est arrivé en 1948. À Manchester, James Sumner, Alan Turing est donc appelé par Max Newman, qu'il avait croisé à Bletchley Park. Il est appelé pourquoi et pourquoi faire ? Les avis divergent sur la nature et l'ambition exacte du projet d'ordinateur de Manchester. Turing's role was officially, he was officiellement, Turing en était le directeur adjoint. Il ne s'agissait pas d'un projet qui avait forcément besoin d'un directeur. Les ingénieurs du projet assuraient largement cette fonction eux-mêmes. Donc, son rôle était plutôt nébuleux, mais il devait officiellement développer ce qu'on appelle maintenant le logiciel de la machine. La division entre le matériel et le logiciel commençait à être comprise à cette époque. Donc, il n'était pas de ceux qui concevaient des ordinateurs. La plupart du temps, il se chargeait de la façon de donner des instructions à l'ordinateur et de réfléchir à quoi il pourrait être utilisé. Un gros ordinateur des années 40-50, Pierre Mounier-Kuhn, s'utilisait un peu comme un grand télescope. C'était des grands équipements scientifiques. Et il a pris son tour, souvent la nuit, pendant que les autres ont retrouvé leur famille. Lui s'absorbe, il calcule quoi ? Il s'intéresse à quoi ? Alan Turing utilise l'ordinateur d'abord pour tester des concepts de programme, pour tester des façons de programmer nouvelles, plus efficaces. On est en train d'inventer la programmation. Et lui est vraiment l'un des pionniers du développement de cette technologie nouvelle. Et les programmeurs d'aujourd'hui en héritent encore. Le programme est un des éléments caractéristiques de l'ordinateur. Son établissement lié à la réalisation de tout problème demande, après sa mise en équation, une analyse mathématique pour déterminer le schéma de calcul, l'établissement d'un ordinogramme à partir de cette analyse, la traduction de cet ordinogramme en programme symbolique, utilisable par l'ordinateur, qui crée un jeu de cartes instructions constituant le programme définitif. Une machine, c'est bête, hein, d'accord. Donc ça n'a pas accès au sens. Donc il s'agit pour un programmeur de se placer dans la peau de quelque chose qui n'a strictement aucune intelligence. Jean Lassègue. D'accord. Donc il s'agit de voir comment un système de marques écrites peut être construit de telle sorte que, en bougeant, en effaçant ces marques, en les lisant, on arrive finalement à produire un calcul et qu'on arrive à faire par exemple une addition. Au début, c'était vraiment des protos, quoi. Mais les premiers ordinateurs, d'ailleurs, le mot n'existait pas, hein, puisque le mot est dans les années 60. Inventé par un Français, je crois. Inventé par un Français, pas comme informatique, a été inventé par un Allemand, non pas par un Français. Mais enfin, c'est pas très grave. C'est un très beau mot, les deux mots sont très beaux. Mais ordinateur, vous voyez, c'est un mot bizarre. Il parle de ordonner. Parce que c'était. L'ordinateur, au début, servait un peu à faire des calculs numériques. Ce qui a fait la fortune d'IBM, c'est de remplacer les machines mécanographiques à trier des cartes. Mais avant de s'appeler ordinateur, Gérard Berry, ces grosses bestioles-là, on les appelait des calculateurs, je crois. Il y avait plusieurs noms. Mon préféré, c'était cerveau électronique. Ça s'appelait des cerveaux électroniques parce que, parce qu'on n'était pas dans la matière, on était dans la pensée quelque part. Voici dans ses grandes lignes le fonctionnement du cerveau électronique. Le problème est exposé en 36 pages d'équations. Par exemple, les équations sur lesquelles vous avez séché au lycée, AX plus B égale 0 ou AX2 plus BX plus C égale 0, ce sont les instructions sur carte perforée qui permettront à la machine de faire ses différentes opérations au moment voulu. Dès que les instructions sont mises en place, la machine est mise en marche et peut effectuer 50 multiplication de 14 chiffres, je répète, 50 multiplication de 14 chiffres en une seconde. Écoutez bien le cliquetis des relais. Attention. Vous comprenez maintenant, non point pourquoi cette machine résout les problèmes les plus compliqués, mais comment elle peut le faire et le faire très rapidement. James Sumner. He actually moved further and further away from his official role. De plus en plus, il s'est éloigné de son rôle officiel. Il ne s'occupait plus vraiment de conception de logiciels pour d'autres personnes, mais utilisait l'ordinateur comme un outil pour ses propres recherches. Et il pensait à la signification philosophique de l'ordinateur. Depuis de nombreuses années, il s'intéressait à ce qu'il appelait construire un cerveau. Et il a vu l'ordinateur comme une occasion de tester la nature de la pensée et des fonctions du cerveau. Ce qui l'intéressait, c'était de savoir si on pouvait vraiment dire qu'une machine pensait. Et quand il était à Manchester, il a beaucoup parlé à des gens travaillant sur la science du cerveau. Il y avait un neurophysiologiste, Geoffrey Jefferson, selon qui on ne pouvait dire que la machine pensait. Il savait comment les cerveaux fonctionnaient, il avait regardé les machines électroniques, mais pour lui, les différences étaient trop grandes. Pour Turing, c'était passé à côté. Il disait « Vous tournez en rond. Vous dites « Je sais à quoi ressemblent les cerveaux, la pensée, à ce que font les humains. Ce que font les humains n'est pas ce que font les ordinateurs, donc les ordinateurs ne peuvent pas penser. » Bien sûr que vous allez aboutir à cette conclusion, disait Turing, si vous pensez comme ça. Il a donc décidé de monter une expérience. Est-ce que ça a du sens de dire qu'une machine pense ? C'est pas tellement le cerveau. Il s'est bien sûr posé la question, hein, de savoir si on pouvait reproduire un cerveau. Mais il voit bien que c'est difficile. Et donc il se dit bah, peut-être qu'on peut simplement regarder si l'activité d'une machine peut être mise en parallèle avec l'activité des hommes. Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique et chercheur en intelligence artificielle. Mais en même temps, il sent que cette idée qu'une machine pense, c'est quelque chose qui n'est pas accepté, qui choque. Et donc, il va essayer, dans ses premiers articles, de réfuter les objections qu'on fait à l'idée qu'une machine pense. Et c'est là où il va introduire la notion de test de Turing, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il avait déjà une première version du test de Turing en 1947. Et là, elle était faite avec un jeu d'échecs. Il dit, ben, supposons qu'on fasse jouer quelqu'un. Alors, il imaginait hein, juste des espèces de choses très très simples, hein, un peu l'équivalent des Minitel, des petits écrans hein, avec des petits claviers. On s'envoie des messages et donc à travers ces messages, on peut essayer de jouer aux échecs. Et puis maintenant, si on substitue à l'insu d'un des joueurs une machine, est-ce qu'il va se rendre compte de quelque chose ? Donc ça, c'était la première question qui s'est posée. Et en 1950, il va imaginer qu'on va avoir une machine qui dialogue. Il écrit un article de philosophie. Jean Lassègue. Qui est un article tout à fait important, publié en 50. Hein, Une revue de philosophie. Dans une revue de philosophie qui a pignon sur rue, qui existe encore, qui s'appelle Mind. Donc ça, c'est quand même étonnant hein, de penser que ce scientifique écrit un article de philosophie qui propose de réfléchir à la question de savoir si les machines peuvent penser. Bon. Et l'article en question propose un jeu qui s'appelle le jeu de l'imitation. Et il se trouve que ce jeu de l'imitation aura une fortune extraordinaire puisque ce sera un peu considéré comme le mythe fondateur de ce qui deviendra l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une machine peut penser ? Oh, vous avez visiblement lu certains de mes articles. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Eh bien, le fait que je sois dans un poste de police, accusé d'avoir supplié un jeune homme de toucher mon pénis, et que vous me demandiez si une machine peut penser. Étonnant. Elle peut ou pas ? Est-ce qu'une machine pourrait un jour penser comme un être humain ? La plupart des gens disent que non. Vous n'êtes pas la plupart des gens. Le problème, c'est que vous tournez la question d'une manière stupide. Ah oui ? Il est évident qu'une machine ne peut penser comme un être humain. Une machine est différente d'une personne. Et donc pense différemment. La véritable question, c'est est-ce qu'on doit, sous prétexte que quelque chose pense différemment de nous, en conclure d'office qu'il ne pense pas? Vous aimez les fraises, je déteste le patin à glace. Vous pleurez devant des films tristes, je suis allergique au pollen. Que nous prouve cette différence de réaction, ces différentes préférences, si ce n'est que nos cerveaux fonctionnent différemment et que nous pensons différemment? Et donc, si nous pouvons le concevoir pour nous, nous pourrions le concevoir pour des cerveaux faits de cuivre, de câbles, d'acier. C'est ça, le thème de votre fameux article. C'est quoi le titre? Ça s'appelle le jeu de l'imitation. Oui, et c'est de ça que ça parle? Vous voulez jouer, inspecteur? Comment ça se joue? Il y a deux pièces, et dans une pièce, il y a un interrogateur, et dans l'autre pièce, il y a deux joueurs, un homme et une femme. Bien. Alors, pourquoi un homme et une femme? Turing ne donne pas de réponse à ça, mais on peut imaginer que un homme et une femme, c'est ce qu'on peut trouver de plus grand comme différence entre deux individus de la même espèce. Le but du jeu consiste pour l'interrogateur à essayer de deviner qui est l'homme, qui est la femme. Bien. Mais en cours de partie, sans le dire à l'interrogateur, on enlève le joueur masculin et on le remplace par une machine convenablement programmée. La question de Turing est, est-ce que l'interrogateur se sera rendu compte, au bout d'un certain nombre de minutes, que sans l'avoir prévenu, on a changé, on a enlevé l'homme et on l'a remplacé par une machine? Et il dit, si jamais cet ordinateur qu'on a programmé est capable de tromper l'interrogateur, c'est-à-dire s'il ne se rend compte de rien pendant un certain temps, alors on pourra dire qu'il est intelligent. Et il donne des exemples de dialogue. Il y a des questions comme « Quelle est la longueur de vos cheveux ?» Et là, l'ordinateur dit « Oh, mi-long, je suis coiffé à la garçonne, 20 cm. » Ce qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'il trouve une stratégie, bien sûr. Mais il va plus loin. Il lui demande une addition. Et la machine met un certain temps. C'est-à-dire qu'elle met le temps qu'on pourrait imaginer qu'un homme mette pour faire l'addition. La machine mime une défaillance humaine. Tout à fait, puisque déjà à l'époque, les machines faisaient des additions beaucoup plus vite que les hommes. Mais elle mime plus que ça. Elle fait une erreur. Et elle fait une erreur dont on pourrait imaginer que c'est l'erreur d'un homme. Ou peut-être que c'est l'erreur qu'un homme aurait imaginé qu'une machine fasse sur une addition. Et ce que dit Turing, c'est que, on est en 1950, dans 50 ans, selon lui, on aura réalisé une machine, on sera capable de jouer pendant 5 minutes au jeu de l'imitation. Et sur 5 minutes, il dit, peut-être qu'on pourra tromper un interrogateur dans 30% des cas. Ce test, il l'organise effectivement? Alors, ce test, il le décrit dans son article. Il n'est absolument pas question pour lui de le programmer. C'est une expérience de pensée. Quelles sont les réactions à l'époque de Turing, Jean-Gabriel Ganassia? Partagées? Pas plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que il y en a une qui porte sur le fait que, c'est ce qu'il appelle l'objection théologique, que Dieu ne permettrait pas à l'homme de faire une machine pense. D'accord, mais si on peut le faire, ça veut dire que Dieu l'a permis d'une certaine façon. Une autre objection, c'est ce qu'il appelle la tête dans le sable. Les gens qui disent c'est une chose tellement affreuse qu'une machine pense qu'il vaudrait mieux pas y penser. Et puis, bien sûr, il y a eu aussi l'évolution de la technologie qui a terrifié avec la bombe atomique, qui fait qu'il y a certainement des gens qui s'inquiètent de cette possibilité qu'on aurait de faire une machine qui soit un double de nous-mêmes et qui, de ce point de vue-là, brouillerait la frontière entre l'homme et puis le mécanique, l'homme et le technologique. Et c'est pour ça, bien sûr, que Turing essaye de répondre à ces objections qui se font jour. À partir de ce moment-là, l'article se complique beaucoup et commence à devenir intéressant, alors qu'on le présente généralement de façon extrêmement naïve, comme simplement une espèce de premier cri de victoire, en quelque sorte, à l'égard de l'intelligence artificielle. Jean Lassaigue. Et c'est ça, à mon avis, qui va amener à l'article de 1952, qui lui est un article proprement de biologie théorique et qui porte sur la morphogenèse, c'est-à-dire comment réussir à rendre compte de la croissance des formes dans la nature. Il en étudie un certain nombre, en particulier les taches sur la peau des animaux et sur des coquillages. Bon, vous savez qu'en anglais, la peau d'un animal, ça se dit « hide ». Voilà, et le verbe pour cacher, ça se dit aussi « to hide » en anglais. Le fait que Turing ait travaillé sur la peau des animaux ne me paraît pas complètement anodin, c'est-à-dire que c'est le lieu où on est capable de cacher quelque chose. Hein, la peau, c'est ce qui vous sépare de l'extérieur, et c'est à la fois l'écran et ce qui révèle. Voilà. Donc, qu'il ait travaillé sur cet exemple-là me paraît intéressant. Jonathan Swinton, au début des années 50, Turing s'éloigne de Baby, de cet énorme monstre d'acier, pour travailler sur la morphogenèse. On ne sait pas vraiment pourquoi il a commencé à penser à ça. Il y a deux sources. Il aurait d'abord commencé à réfléchir au cerveau, les cerveaux comme ordinateurs et les ordinateurs comme cerveaux. Et ce serait alors demander comment faire un ordinateur qui ressemble à un cerveau. Et puis il y a une autre source dont il évitait de parler, qui s'appelait Joan Clarke, l'une de nos meilleures cryptographes. But at the time, they briefly were engaged. There's a very La représentation de cet événement dans le film récent sur Turing est inexacte, mais ça s'est vraiment passé. Pendant une pause, tous deux s'étaient allongés sur la pelouse, cueillant une marguerite. Et si vous cueillez une marguerite et que vous la retournez, il y a quelque chose qu'on appelle des bractées, les petites parties vertes, comme des petits doigts verts en dessous. Et si vous comptez les bractées, vous en trouverez 13. 13 à Bletchley Park, 13 à Paris. N'importe quelle marguerite, n'importe où, aura 13 bractées. Et 13 est un nombre de Fibonacci. Pourquoi y a-t-il des nombres de Fibonacci dans les plantes ? On sait qu'il s'est posé la question. Et la chose que Alan Turing a choisi d'utiliser son précieux computer time on, Alan Turing a donc choisi d'utiliser son temps précieux sur l'ordinateur, un temps rationné, on ne pouvait pas faire autrement, pour essayer d'éprouver les mathématiques sur la morphogenèse, les motifs et les formes. C'est sur cette machine-là, Pierre Mouniécune, qu'Alan Turing, les derniers mois de sa vie, modélise sa morphogenèse. Oui. C'est pour cette machine que Alan Turing écrit des programmes au début des années 50, destiné à modéliser le développement des formes vivantes dans le cadre d'une discipline qu'il crée, qu'il fonde, qu'on appelle la morphogenèse, pour tester des hypothèses sur le développement, par exemple, des taches de léopard, des rayures de zèbre, etc. Le problème fondamental est très facile à comprendre, c'est comment un être vivant, à partir d'une seule cellule embryonnaire, on arrive à différencier, au fur et à mesure que les cellules se développent et se multiplient, les formes. On a beaucoup parlé de la pomme de Turing, au sens de la pomme empoisonnée qui a été la cause de sa mort, et qui renvoyait à la pomme de Blanche-Neige, qui était son film favori. Mais on oublie l'autre pomme d'Alan Turing, qui est la pomme de pin. Si vous regardez une pomme de pin, vous voyez tout de suite que ses écailles sont disposées de façon géométrique. On dirait qu'elles ont été disposées suivant un dessin au compas. On a tous constaté ça en regardant une pomme de pin. Turing, lui, avec son esprit très méthodique, son esprit d'approfondissement systématique, est allé beaucoup plus loin. Et Turing s'est attaqué au problème de comment la nature peut produire des formes mathématiques. À travers ce problème, Turing se relie à une immense tradition scientifique qui remonte à Galilée. La nature est décrite en langage mathématique, mais qui remonte aux pythagoriciens, qui enseignaient essentiellement deux dogmes. Le premier, c'est que l'univers est formé fondamentalement de nombres et de proportions harmonieuses. Et deuxièmement, que l'âme, pour s'élever, et Turing aurait dit non pas l'âme, mais l'esprit, car il était athée, l'âme a besoin pour s'élever de purifications successives dont la plus efficace est la recherche désintéressée de la vérité par la science et notamment par les mathématiques. France Culture, toute cette semaine, Grande Traversée, Alan Turing, épisode 3, Le Bug. Un portrait psychologique de Turing, Jean Lassaigue, ces années 51, 52, 53, quel genre d'homme est-il ? Je pense que c'est quelqu'un de solitaire. Je crois qu'il est encore tout à fait passionné par ses recherches. Il a un certain nombre d'amitiés très fortes, pas simplement donc des amitiés sexuelles. Il court effectivement beaucoup. Vous savez que c'est quand même quelqu'un qui devait participer aux Jeux Olympiques. Bon, quand on sait que l'inventeur de l'ordinateur devait être aussi un coureur de fond pour les Jeux Olympiques, enfin ça en dit long un petit peu sur cette espèce de personnage un peu venu d'ailleurs, quoi. C'est quand même incroyable. Je crois qu'il a besoin de se dépenser physiquement vu la concentration dont il a besoin pour penser ce qu'il pense. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher aussi, vous allez dire que je fais des jeux de mots lacaniens à la petite semaine, mais en anglais, on dit « to run a program ». Voilà. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de courses dans la vie de cet homme, que ce soit physiquement ou que ce soit passé dans la langue avec cette expression de faire marcher un programme, on dit en français. Les Anglais disent « faire courir un programme ». Cette dualité, corps, esprit. Je crois que c'est une distinction qu'il a toujours assumée et qui lui permettait de cacher qui il était profondément du point de vue sexuel. Bon, et ce qu'il a appris, à mon avis, c'est que finalement, le corps et l'esprit n'étaient pas si distincts que ça. Et je pense que ça l'a profondément troublé psychiquement et qu'il y a eu, véritablement un problème psychique avec ça. Et je crois que ça a eu raison de lui, à proprement parler. Parce que on l'a mis, justement, dans un cas de figure qui remettait profondément en question le sens même de sa vie. Est-ce que, Laurent Lemire, l'homosexualité est une clé de lecture possible de la vie d'Alan Turing ? L'homosexualité peut expliquer une partie de la vie d'Alan Turing. De là à en faire la clé de tout, c'est peut-être excessif. Certains le font, mais ceux qui le font, ils le font aussi comme militants de la cause homosexuelle, c'est-à-dire en le montrant ce qu'il a été comme un martyr, il a été victime des répressions judiciaires à l'égard des homosexuels. Son homosexualité est aussi un déclencheur de sa carrière scientifique. Il rencontre un jeune lycéen qui s'appelait Christopher Morcom. C'est peut-être très platonique, mais c'est très fort. Et ce garçon meurt de la tuberculose. Et Turing se dit, c'est scandaleux qu'un type aussi formidable, meurt, et donc je vais accomplir le parcours qu'il aurait dû avoir. Et c'est comme ça qu'il se lance à corps perdu dans les mathématiques, tout en cachant son homosexualité. Quand je dis cacher son homosexualité, il n'est pas le seul à avoir fait ça. Il a même, à l'époque de Bletchley Park, épouser une Joanne Clark, une jeune femme, mais comme Oscar Wilde, s'est marié. Et c'était pour faire taire toutes les rumeurs qu'il y avait. Puis il y a aussi ce comportement un peu, alors c'est un peu facile, c'est même caricatural, mais ce comportement un peu bizarre, excentrique, qui fait qu'on dit ce personnage est quand même pas comme les autres. Il est un peu à part, il est un peu marginal, il s'attiffe bizarrement, il est extrêmement, comme tous les gens, sans doute un peu timide, il est extrêmement agressif avec les gens, parce qu'il pense, à juste titre, avoir raison, souvent. Il a eu raison contre ses professeurs, il a eu raison contre pas mal de gens qui critiquaient ses travaux, parce que sans doute ils ne les comprenaient pas, et ça a forgé chez lui un caractère pas très facile, c'est-à-dire du type qui a raison et qui envoie paître les autres. Et je pense que la relation qu'il a nouée avec cette jeune femme a permis d'apaiser aussi. Parce que, bon, marié, etc., on commence à se dire, c'est quelqu'un qui rentre un peu dans le moule un petit peu plus conventionnel, socialement parlant. À Bletchley, Andrew Hodges, Alan Turing rencontre une femme avec qui il se lie, qui s'appelle Joan Clark. She was a research student at Cambridge. She came in, I think, in June 1940. Elle était étudiante en recherche à Cambridge. Elle est arrivée à Bletchley Park en juin 1940, je crois, et c'est là qu'ils sont devenus très proches. Ça a sûrement été une crise dans la vie d'Alan Turing. Il faudrait se pencher plus en détail sur la vie sexuelle dans les années 30. The thing is, this for any gay man in that period. Car c'était une question que se posaient tous les hommes homosexuels alors. Doit-on devenir complètement différent du reste de la société en restant un électron libre dans un monde où c'est illégal et réprouvé? Or do you try and conform and fit in by going along with a marriage? Ou bien doit-on essayer de rentrer dans le rang en se mariant? Many gay men did that, and Alan Turing would have known people. Beaucoup d'homosexuels faisaient ça, et Alan Turing a dû en rencontrer. Entretien avec Joan Clark, extrait du documentaire de la BBC, The Strange Life and Death of Dr. Turing. I suppose the fact that I was a woman made me different. Le fait d'être une femme me rendait différente à ses yeux. Il s'est effectivement passé quelque chose entre nous. Nous allions au cinéma, etc. Mais c'est vrai que ça m'a surprise qu'il me demande, je crois que c'était ses mots, que dirais-tu de m'épouser ? Malgré la surprise, je n'ai pas hésité à lui dire oui. Et puis il knelt by my chair and kissed me. Et puis il s'est agenouillé près de ma chaise et m'a embrassé. Mais nous n'avions pas beaucoup de contact physique. Et puis le jour suivant, je crois que nous étions allés nous promener ensemble après le déjeuner. Et il m'a dit qu'il avait une tendance homosexuelle. Naturellement. That worried me a bit because I naturellement, ça m'a un peu inquiété. That was something which was almost certainly permanent. Parce que je savais que c'était quelque chose qui n'était pas passager. But we carried on. Mais on a continué. Now we got on extremely well with Joan. But of course, ça se passait extrêmement bien avec Joan Clark. Because they had similar humor. Ils avaient le même humour, des intérêts communs, ils aimaient les maths, le vélo. Mais ce n'était pas vraiment une histoire d'amour. Et je pense qu'elle s'en rendait compte. Il l'a demandé en mariage, mais il lui a tout de suite dit après que ça ne fonctionnerait sûrement pas parce qu'il avait des tendances homosexuelles. Il ne pouvait pas s'en cacher. Il ne pouvait pas vivre une double vie, ce n'était pas dans sa nature. Elle le savait, et je pense qu'elle a toujours su que ça n'aboutirait sûrement pas. À Alors, la rupture est arrivée pendant une semaine de vacances dans les montagnes galloises en août 1941. Forcément, pendant les vacances, l'intimité physique s'impose. Et c'est là qu'il a dû rompre. Il ne pouvait pas prétendre que c'était une relation sérieuse. Il a certainement regretté d'avoir à le faire. Et il a cité des vers d'Oscar Wilde, qui était à cette époque la figure homosexuelle tragique la plus connue. Whose prosecution in 1896 hung over the entire mentality of anything to do with. Dont les déboires judiciaires pesaient depuis sur tout ce qui touchait à l'homosexualité en Angleterre. And indeed, after that. There is a change in that Alan Turing certainly became more. Et de fait, après ça, il y a eu un changement. Alan Turing a davantage affirmé son identité, faisant de son homosexualité un point déterminant plutôt que de voir ça comme quelque chose de négatif. La société s'arroge le droit d'infliger à l'individu d'effroyables châtiments, mais elle a aussi le vice suprême d'être superficiel. La morale est serve du temps et du lieu. Non l'amour. Aimons. La radiodiffusion française présente Ballade de la geôle de Reading d'Oscar Wilde, interprété par Alain Cuny, dans la traduction d'Alain Barou. Musique originale de Maurice Jarre. Dans la geôle de Reading est une fosse ignominieuse. Elle enferme un homme maudit que mordent à jamais les flammes. Dans le brûlant linceul qui l'enveloppe et sur sa tombe point de nom. Là jusqu'au jour où le Christ appellera les morts, Dieu veuille le laisser dormir en paix. Pourquoi verser sur lui des larmes insensées ou exhaler de vaines plaintes? Un homme tue celle qu'il aime. Et pour cela, il faut qu'il meure. Et tous les hommes tuent leur amour. Que chacun veuille m'entendre. Les uns le font d'un regard de haine. Les autres tuent avec de bonnes paroles. Le lâche, c'est avec un baiser. Mais celui qui est brave se sert de son épée. Bonjour à Oxford Road au niveau de la salle de danse, s'il vous plaît. Manchester était un endroit très différent, bien sûr. C'était une ville industrielle. Il n'y avait pas tellement d'élite intellectuelle. It was not the kind of place that had the sort of discreet. Ce n'était pas le genre d'endroit avec une communauté homosexuelle cachée comme cela pouvait exister dans des endroits comme Cambridge. Il y avait bien à Manchester un petit cercle d'hommes homosexuels liés à la vieille société, à la BBC, etc. Mais Turing n'était pas vraiment lié à cette communauté. Oui, n'importe où ici, c'est bien, merci. Où est-ce que vous nous emmenez là? Nous allons à l'endroit sur Oxford Road où Alan Turing a rencontré le jeune Arnold Murray. En 1951, Laurent Lemire, Turing travaille à Manchester et là, il s'assume ouvertement homosexuel. La donne a changé. À ce moment-là, il a une vie un peu plus, non pas dissolue, mais il assume plus facilement son homosexualité. Et la rencontre avec un personnage qui s'appelle Arnold Murray va un peu conforter son choix, ça devient un amant, et cet amant va être un personnage qui va l'entraîner un peu dans sa chute. Murray n'est pas un intellectuel. Murray, si on le caricature à peine, c'est une petite frappe. C'est le mauvais garçon. Voilà, c'est le mauvais garçon. Et Turing aime bien les mauvais garçons. Andrew Hodges. Il a rencontré ce jeune homme dans ce qui était en 1951 un lieu de rendez-vous homosexuel assez particulier. Au centre de Manchester, pas très loin de l'université. Travaillant à l'université, on pouvait difficilement le rater, c'est juste à côté. Il avait forcément remarqué qu'il y avait des jeunes hommes qui traînaient. C'était le seul endroit comme ça dans le nord de l'Angleterre. C'était peu commun, vaguement toléré. Il y avait deux endroits, un pub et ce qui était nouveau, un milk bar, qu'on appelle maintenant un coffee shop. He wasn't actually in there. I think the meeting that took place was just on the street. En fait, ça ne s'est pas passé à l'intérieur. Je pense qu'il l'a rencontré dans la rue. Il a invité ce jeune homme, Arnold, chez lui. C'était assez rare. Et ça reflétait sans doute le fait qu'il voulait une vraie relation. Pas une histoire seulement sexuelle. Donc ça, c'est Oxford Road, qui à certains aspects ressemble à ce que c'était dans les années 50. Même si à l'époque, ça devait être beaucoup plus sombre, et il devait y avoir des tramways montant et descendant la route. On est juste face à la salle de danse qui, à l'époque de Turing, était un cinéma. C'est ici qu'il a fait la rencontre d'Arnold Murray. À cette époque, même si l'homosexualité était illégale et largement cachée, dans toutes les grandes villes de Grande-Bretagne, il y avait des hommes qui, d'une façon ou d'une autre, parvenaient à se retrouver et se rencontrer en public. Ça pouvait se passer dans des toilettes publiques. Il y avait aussi des bars où les gens étaient très discrets. Ça se faisait sur un regard ou sur des signes précis. Et bien sûr, il y avait la rue. Ce n'était pas forcément de la prostitution, ça pouvait l'être, mais c'était souvent des hommes, parfois d'âges différents, de classes sociales différentes, qui se retrouvaient très souvent pour de brèves relations. Turing est aussi très intéressé par la marginalité du personnage. C'est qu'il se dit lui-même, moi au fond, homosexuel, en marge de l'université, parce que c'est quelqu'un, il faut rappeler qu'il est quand même pas à l'époque très bien considéré, il est quand même un peu à part, même si on dit c'est un génie, mais il est un peu rugueux, il n'est pas très sympathique, voilà, donc il est un peu marginalisé dans l'université, et il est marginalisé également du fait de son homosexualité. Donc il trouve chez ce Murray un type qui lui vit dans la marge, mais qui l'assume, parce qu'il est dans, voilà, il est dans les quartiers un peu chauds, c'est quelqu'un qui est à la limite de la légalité, il est borderline, et ça, il aime bien. Arnold Murray n'avait que 19 ans. Il est venu chez Turing, ils ont passé une nuit ensemble, et c'est le genre de choses qui sont probablement arrivées plusieurs fois dans la vie de Turing et dont personne n'aurait dû entendre parler. Sauf que peu après, la maison de Turing a été cambriolée, on lui a volé des choses. Et il s'est avéré que le voleur était quelqu'un que connaissait Arnold Murray, qui était au courant de leur relation et qui supposait que Turing, en découvrant le vol, n'irait pas voir la police. Qu'est-ce qui s'est passé ? Turing, Alan, professeur à King's College. Apparemment, il y a eu cambriolage. Qu'est-ce qu'il fait à Manchester ? Quelque chose avec des machines. Mais il ne dira pas de quoi il s'agit. Professeur Turing, inspecteur Nock, police de Manchester. Professeur Turing. Andrew Hodges, qu'est-ce qui se passe le 23 janvier 1952? Well, it's a very odd Eh bien, c'est une curieuse coïncidence. Juste au moment où elle est devenue une sorte de figure nationale, il était traité comme un gourou à la radio. Alors qu'il était en déplacement à Londres, il me semble, on s'est introduit dans sa maison et quelques objets ont été volés. Absolutely classic mixture of sex. Alan Turing était dépassé par la situation. Un mélange absolument classique de sexe, de loi et de différence de classe à cette époque. C'était comme ça que les hommes homosexuels attiraient l'attention de la justice, à travers des événements de ce genre, un mélange d'origine sociale et avec de la petite criminalité. Donc c'était classique. Il savait que c'était dangereux. Mais il se disait que la probabilité d'être pris était peut-être d'une chance sur 10, sauf qu'il n'était pas bien préparé pour gérer les conséquences. Lettre à Fred Clayton, le 24 janvier 1952, lendemain du cambriolage. Je viens de me faire cambrioler. Et je continue à découvrir, toutes les heures, de nouveaux articles manquants. Heureusement, je suis assuré et on ne m'a rien volé d'irremplaçable. Tout de même, cela m'a beaucoup contrarié, surtout que c'est intervenu peu de temps après un vol à l'université. Je m'attends maintenant à prendre une brique sur la tête ou au pire catastrophe, à tout moment. Il est donc allé voir la police au sujet du cambriolage, pensant que s'il ne le faisait pas, on allait le faire chanter. Ces cambrioleurs pensaient s'en sortir, pensant qu'il n'irait pas se plaindre, vu qu'en y allant, on pourrait savoir qu'il était impliqué dans quelque chose, à l'époque, d'entièrement illégal. Mais il est allé voir la police et il leur a raconté des histoires expliquant selon lui qui était coupable. Et bien sûr, ils ont tout de suite compris. Ce n'était pas malin du tout. Et le 7 février, il a été arrêté. Et ensuite, il a fait quelque chose d'autre qui, d'un côté, était très bête, mais qui, d'un autre, était une grande chose. Il a fait un rapport complet de tout ce qui s'était passé. Il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu simplement refuser de parler et ça aurait été parole contre parole. Ça ne serait peut-être pas allé plus loin. Mais il a tout raconté. And from a modern perspective, I mean, this is, he was taking a stand and he really wanted to plead non-guilt. Vu de maintenant, c'était comme une prise de position. Il voulait vraiment plaider non coupable. Shouldn't be a crime and wasn't a crime. Il n'y avait pas eu de crime. Criminal, ça ne devrait pas être un crime. Of course, that was unsustainable. Il n'y avait pas une once de crime là-dedans. A crime and that was it. Something he Sauf very que, bien sûr, c'était intenable comme position. C'était défini comme un crime et c'est tout. Et c'est quelque chose qu'il a admis à contre-cœur. Et quand il est allé au procès en mars 1952, il a dû plaider coupable et assumer les conséquences. Extrait du Criminal Law Amendment Act, 1885, section 11, outrage à la décence. Tout individu de sexe masculin qui commet, en public ou en privé, ou prend part à la commission, ou obtient ou essaie d'obtenir la commission de tout individu masculin, tout acte d'indécence manifeste avec un autre individu de sexe masculin, sera coupable d'un délit et, étant reconnu coupable de cela, il sera de la responsabilité de la cour de l'emprisonner pour une période n'excédant pas 2 ans avec ou sans travaux forcés. Comment est-ce qu'il se comporte face aux enquêteurs, Laurent Lumière ? Je dirais qu'il s'en fiche. Il a une sorte de dédain il prend de haut. Les enquêteurs, on retrouve là cette espèce de morgue un peu. Effectivement, il joue du violon devant les flics. Il répond pas vraiment aux questions, considérant que de toute façon, elles sont sans intérêt. Il est détestable. Est-ce qu'il pêche alors par naïveté, par orgueil ? On parlait tout à l'heure de liberté et de secret. Je pense que c'est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que je vais rompre ce secret au nom de la liberté. Donc je vais dévoiler quelque chose de ma vie au nom du fait que je suis ce que je suis. Je rappelais le cas d'Oscar Wilde, puisque en 1895, c'est pour la même raison que Oscar Wilde a été condamné. Alors, le point commun entre Oscar Wilde et Alan Turing, c'est quand même tous les deux ont voulu quelque part ce procès. C'est-à-dire que Oscar Wilde, parce qu'on l'accuse d'être homosexuel, il porte ça en justice au nom de la diffamation. Et évidemment, il va perdre. Et alors le procès se transforme en salle de théâtre. Alors il y a les bons mots, mais enfin, ça lui coûte beaucoup d'argent et ça se finit quand même très mal. Pour Alan Turing, en 1952, c'est lui qui déclenche le procès, puisque c'est lui qui porte plainte pour un vol qui a été fait chez lui, et il sait pertinemment que le type qui est venu le voler est un de ses anciens amants. James Sumner. His attitude is unusual. Sa réaction est insolite parce que ce qu'il avait fait était très clair. Il a parlé à un officier de police, utilisé des mots crus pour décrire ce qu'il avait fait. Il a dit clairement « oui, j'ai commis tel ou tel acte sexuel ». C'était certain que ça allait le condamner. Assured his own conviction in a way that almost no man operating with that. Au fond, il a assumé ses convictions comme peu d'hommes de ce genre des années 50 l'auraient fait. By appearances, he did not necessarily grasp the significance, the seriousness. Il n'a pas vraiment pris la mesure de la gravité de sa situation avant qu'il ne soit trop tard. He was quite hopeful that the matter could be dismissed. He did not see that he had done anything wrong. Il espérait que l'affaire soit abandonnée. Il ne voyait pas ce qu'il avait fait de mal, et bien sûr, aujourd'hui, en 2018, on ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Il avait un profil beaucoup plus proche d'un homosexuel moderne que d'un homosexuel caché des années 1950. Et ça fait partie de sa tragédie. Conservé aux archives du comté de Cheshire, où se tiendra le procès, l'acte d'accusation à l'encontre d'Alan Turing et Arnold Murray jette une lumière crue et impudique sur la chronologie de leurs ébats. Tous deux sont poursuivis pour s'être livrés à des actes d'indécence manifeste, et ce, à trois reprises, les 17 décembre 1951, 12 janvier et 2 février 1952. La première fois un lundi, les deux fois suivantes, un samedi, à chaque fois à Wimslow, lieu de résidence de Turing. Tous deux plaident coupables. Est-ce que c'est un procès médiatisé ? Est-ce que ça défraie la chronique ? Ou est-ce que, ma foi, c'est une affaire judiciaire parmi d'autres ? Jonathan Swinton. There were lots of press. I don't know how, but apparently there were lots of the national newspapers were there. They were very keen. Beaucoup de journaux nationaux étaient très friands d'histoires d'homosexualité. There's a British tabloid called the News of the World, which shut in. Il y a un tabloïd britannique, News of the World, qui a plus tard fermé dans des circonstances embarrassantes. Ça a toujours été un terrible journal. Mais ils avaient des titres géniaux. Et lorsque le procès de Turing s'est ouvert, le dimanche suivant, un de ces articles avait titré « L'accusé avait un cerveau puissant ». Parce qu'on savait ce qu'il faisait sur l'ordinateur de Manchester. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a dragué Arnold Murray. Il lui a sans doute dit « Je travaille sur le cerveau, tu sais, le cerveau de Manchester ». Est-ce qu'à un certain moment donné, Turing n'a pas craint que sa condamnation ne puisse nuire à la crédibilité de ses recherches ? Oui, il y a cette citation célèbre. Je ne pense pas qu'il était vraiment sérieux, mais il utilisait souvent ce genre de blagues pour dire des choses qu'il pensait très sincèrement. Il avait fait une sorte de syllogisme philosophique. 1. Turing couche avec des hommes. Et en anglais, coucher, to lie, signifie aussi mentir. 2. Turing croit que les machines peuvent penser. 3. Donc, les machines ne peuvent pas penser parce que Turing a menti. Lettre à Norman Routledge, 1952. Mon cher Norman, on m'accuse de perversion sexuelle avec un jeune homme et je ne vais pas tarder à devoir plaider coupable. La façon dont tout cela a été découvert est une longue et passionnante histoire et il faudra que j'en fasse une nouvelle un de ces jours. Je crains malgré tout que l'on utilise le syllogisme suivant à l'avenir. Turing est persuadé que les machines réfléchissent. Turing ment et couche avec des hommes. Par conséquent, les machines ne réfléchissent pas. Ton ami en détresse, Alan. En plus, Andrew Hodges, au policier qui l'arrête, Alan Turing, ne peut pas raconter ce qu'il a fait pendant la guerre. Tout ça est couvert par le secret. Alan Turing n'est qu'un professeur d'université parmi d'autres. The policeman who arrested him would have had no idea or interest, for that matter, in what his background was at all. I mean, that didn't enter into their. Le policier qui l'a arrêté n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait avant. Ça n'a pas du tout joué. They had simply scored a very good arrest for their record. Ils avaient juste effectué une arrestation de plus. But nevertheless, it's obvious that by the time it came to trial, he would want to signal that, without giving anything away, that he was important. Mais c'est évident que quand c'est devenu un procès, Turing a voulu, sans rien révéler, faire entendre qu'il était quelqu'un d'important. Significant development qu'il avait été important pour le pays. GCHQ, that is to say of the then, et de fait, le chef du JCHQ, l'organisation britannique de décryptement en 1952, a témoigné en tant que témoin de moralité au procès. C'était Hugh Alexander, celui qui avait pris le relais en 1942 sur le décryptage de l'énigme navale à Bletchley Park. Donc, clairement, quelque chose s'était joué en coulisses. On signifiait que ce n'était pas n'importe qui, que ce n'était pas un cas banal. Mais on ne sait pas. On n'a pas les documents qui ont dû circuler entre le Foreign Office et la justice pour décider quoi faire. Ce serait intéressant d'avoir plus d'informations. Ce qui est clair, c'est qu'il a été traité comme un cas à part, autorisé à ne pas aller en prison pour prendre à la place ce soi-disant traitement médical. Ce qui était vu alors comme une alternative moderne, progressiste, une option douce. Il restait en liberté surveillée à condition qu'il accepte ces injections ou implants d'œstrogènes censés neutraliser son désir sexuel. C'était le marché, et je pense qu'il l'a accepté à contre-cœur. Parce que ne pas l'accepter aurait signifié l'emprisonnement, et bien sûr la fin de sa carrière académique. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Alan Turing ait été condamné ? On peut imaginer Jean Lassègue que dans l'Angleterre des années 1950, un coup de fil du MI6, un coup de fil du Foreign Office, un coup de fil du Premier ministre à une juridiction de Manchester empêche cette condamnation. Après la guerre, il faisait toujours partie des services secrets, il était consultant pour les services secrets, et les services secrets n'ont rien fait pour l'aider à ce moment-là. Donc il s'est redevenu un citoyen lambda, alors qu'on aurait pu imaginer quand même que quelqu'un dont on dit qu'il a abrégé le cours de la Deuxième Guerre mondiale de 2 ans aurait pu avoir à l'égard de... du gouvernement, une attitude peut-être un peu plus conciliante. Mais ça n'est pas le cas. Donc Turing, de ce point de vue-là, était soumis à la loi de tout le monde. Il est lâché. Je pense qu'il a dû être un peu lâché, oui. Alan Turing est condamné à une castration chimique qui durera 1 an. Et il faut savoir que 2 ans avant, en 1950 donc, il y avait les fameux 5 de Cambridge, Philby, Blunt, etc., qui sont des intellectuels homosexuels, qui ont travaillé pour les soviétiques. Or, on est en pleine guerre froide, les services de renseignement britanniques considèrent que les homosexuels sont des cibles de choix pour les espions soviétiques. Pour être recrutés. Et absolument. Et parce qu'ils seraient plus... fragile, mais bon, c'est absurde. Mais manipulable. Manipulable, exactement. Donc ça a sans doute joué, c'est-à-dire que ça a été un séisme quand même. 5 intellectuels, et non des moindres, de Cambridge, où était passé d'ailleurs Turing, qui travaille pour l'Union soviétique, ça a fait un séisme. Donc on a après un mathématicien, on se dit, mais attention, danger, il va finir par travailler pour Moscou. Oui, parce qu'on pense qu'il il est un personnage vulnérable et sa vulnérabilité peut mettre en danger la nation. Voilà. Et c'est sans doute une des clés, parce qu'on comprend assez mal pour une histoire aussi faible, parce que c'est quand même, à l'origine, c'est quand même un vol. Alors d'accord, le type qui l'a volé a une histoire avec Alan Turing, mais enfin, ça paraît totalement disproportionné. Pourquoi une castration chimique, Laurent Lumière? On sait pourquoi est-ce que c'est prescrit? Le but de la castration chimique était de réduire la libido. Puisque l'homosexualité était un délit considéré comme une perversion sexuelle, donc on traitait les homosexuels comme des pervers sexuels. Des déviants. Voilà, c'est une forme de déviance et on se dit on va agir sur la libido, donc on va empêcher à ces personnes d'avoir du désir, des pulsions, tout simplement. Jonathan Swinton. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment clair et mériterait plus de recherches. Mais c'était une période où les psychiatres étaient formés à dire que certains cas d'homosexualité étaient médicaux et pouvaient donc être traités. Mais même ces psychiatres, la plupart du temps, n'auraient prescrit qu'une psychothérapie. Et puis il y avait ce traitement disponible, on en parlait comme une façon de stopper les pulsions sexuelles. Pas les pulsions homosexuelles, toutes les pulsions sexuelles. Si des gens éprouvaient un besoin obsessionnel d'activité sexuelle, une intervention pouvait les en détourner. Ce sont les justifications que j'ai vues. Mais on ne sait pas. Le juge n'a pas dit qu'il devait suivre une thérapie hormonale. Le juge a dit qu'il devait consulter un médecin et suivre ce que le médecin lui dirait. James Sumner. There was surprisingly little reaction. It was not strongly publicized. Bizarrement, il y a eu peu de réactions. La condamnation n'est apparue que dans quelques journaux locaux. Par chance pour Turing, Max Newman, l'un de ses soutiens les plus célèbres, était très soucieux de son sort. L'université, elle, souhaitait le garder à son poste, et il a même été promu après son arrestation. Many of his colleagues, some of them were Certains de ses collègues ont sûrement été surpris, mais la plupart n'avaient pas entendu parler de la sexualité de Turing. Ils le voyaient comme un individu étrange et ils ont juste ajouté ça à la liste de ses comportements bizarres. Donc, pour son travail à l'université, ça n'a pas changé grand-chose. De fait, il était déjà assez étranger à la vie de l'université en raison de ses recherches très personnelles. Quand il a été condamné à suivre un traitement hormonal, Turing a été inquiet que les effets de ce traitement réduisent ses capacités de travail. Le traitement l'affectait clairement. Il exprimait beaucoup d'anxiété dans les lettres à ses amis. Mais il n'éprouvait pas de honte. En cela, il se distinguait de beaucoup des homosexuels de son époque. Il pensait que ce qu'il était parfaitement raisonnable. Il était au clair avec lui-même et ça l'a aidé à surmonter les choses. Lettre à Philip Hall, 17 avril 1952. Je dois à la fois rester sous contrôle judiciaire pendant un an, pendant lequel je dois me soumettre à une organothérapie. Cela est censé réduire l'appétit sexuel dès qu'il s'éveille, mais il semble que tout redevienne normal dès que le traitement s'arrête. J'espère que c'est vrai. Les psychiatres ont l'air de penser qu'il est inutile de tenter la moindre psychothérapie. Question au médecin que vous êtes, à l'ancien chirurgien que vous êtes, Laurent Alexandre, une castration chimique, ça veut dire quoi ? La castration chimique qu'a subi Turing consiste à donner des hormones femelles. À l'époque, on pensait qu'il était bien de changer la sexualité des homosexuels en changeant leurs hormones. Et on pensait supprimer leurs pulsions homosexuelles en leur donnant des œstrogènes, hormones femelles, donc, qui contrebalancent les effets de la testostérone. En réalité, ça ne marchait pas et la sexualité redevenait ce qu'elle était avant le traitement, assez rapidement, quelques mois après l'arrêt de l'hormonothérapie. Ce qui semblait scandaleux, c'était le fait de coucher avec des hommes. Donc, on n'était pas encore dans des thérapies de conversion pour transformer Turing en hétérosexuel. On voulait juste qu'il ne couche plus avec des garçons. Et les effets physiques d'un tel traitement ? Ça augmente le poids, ça diminue la libido, ça diminue l'agressivité, et puis ça fait beaucoup pousser les seins. Turing avait une gynécomastie, c'est-à-dire des glandes mammaires hypertrophiées à la suite de ce traitement, et ça le rendait profondément malheureux. Inutile d'ajouter que le fait d'avoir des seins n'augmentait pas son pouvoir de séduction. Et est-ce qu'on peut supposer les conséquences que ça peut avoir dans ses capacités à travailler les derniers mois de sa vie? Alors l'hormonothérapie, elle diminue la capacité à travailler, mais pas tant que ça. Hein. On a vu des gens célèbres, des hommes célèbres, avoir des hormones femelles quand ils étaient atteints de cancer de la prostate et garder le pouvoir sans que cela affecte énormément leur capacité de concentration et leur réflexion. Il y avait presque chez lui l'idée devant le juge. Jean Lasseg. Chiche, hein, faites-le, ça ne va pas m'atteindre. Et le fait d'être atteint par ça remettait cette croyance très profonde en lui que il était possible de faire la distinction entre le matériel d'une part et le logiciel de l'autre, ce qui lui avait permis d'obtenir un certain nombre de ses résultats. Qu'il avait déjà remis en question avec son travail sur la morphogenèse. Parce que dans la morphogenèse, finalement, cette croissance de forme, hein, elle ne dépend pas d'un code. Peut-être que c'était plus compliqué et qu'il s'en est rendu compte. Et que, bon, effectivement, il était non pas simplement une machine construite de briques, comme il avait pu lire dans cette encyclopédie pour les enfants... qu'il avait reçu en cadeau de Noël à l'âge de 10 ans, mais qu'il était un organisme en croissance. Et que donc, la distinction corps-esprit n'était finalement peut-être pas aussi valide que ça. La nature n'est pas écrite. Voilà, c'est ça que Turing découvre. Et c'est cette énigme-là qui va le poursuivre à la fin de sa vie. après un an de castration chimique, donc nous sommes en 1953, Alan Turing a vu son corps se déformer. Donc c'est cet homme plutôt athlétique et lancé va avoir des seins qui vont grossir, des chairs devenir un peu plus flasques. Enfin bon, ça va beaucoup contribuer à le rendre dépressif. Et ça a contribué aussi à l'isoler fortement, c'est-à-dire que sa vie sociale, pour le peu qu'il en avait, mais il en avait quand même, s'est considérablement réduite. Donc il est de plus en plus seul, solitaire, plongé dans ses travaux. Et on peut penser, c'est une des hypothèses, que cette dépression, qui peut peut-être être liée aussi au fait que ses travaux, à l'époque sur la morphogénèse, c'est-à-dire comment modéliser tout le vivant par des formules mathématiques. Bon, ce qui était très ambitieux. Alors peut-être qu'il se trouvait scientifiquement dans une impasse, mais toujours est-il que la déformation de son corps, la solitude et la dépression font que il va songer au suicide. Andrew Hodges. Alan Turing a dû subir ce traitement pendant un an. Et après, ça a été arrêté. Il était dans la défiance. Il voulait se remettre d'aplomb vite. Il décrivait ça à ses amis en s'en moquant, disant que c'était ridicule. C'était sa réaction. Pourtant, ça a eu de vrais effets physiques. Sa poitrine a poussé de manière assez visible, je crois. Mais il a refusé de se laisser abattre. Dans son travail scientifique, mais aussi dans sa vie personnelle. Et la première chose qu'il a faite, en réaction, a été d'aller en Norvège à l'été 1952. Il avait certainement entendu parler du premier mouvement scandinave des droits homosexuels, qui avait débuté en 1948, surtout au Danemark, mais aussi en Norvège. Il disait, si je ne peux plus le faire en Angleterre, ils ne peuvent pas m'empêcher d'aller à l'étranger. Ça a été sa principale réaction. En dehors de ça, il a commencé à voir un psychanalyste jungien. C'était assez moderne. Un jungien n'est pas un freudien. C'est une thérapie beaucoup plus détendue. Il en espérait d'abord une manière d'affronter ce choc. Mais je pense qu'il s'imaginait aussi qu'avec ce genre de thérapie, il pourrait peut-être devenir bisexuel et libérer un penchant hétérosexuel. Il n'a jamais exprimé l'idée qu'il devait se débarrasser de ses sentiments homosexuels. Il était toujours très positif sur ses sentiments, ses relations avec ses amis gays. Et c'est toujours resté aussi important. Mais, et c'était alors une idée parfaitement répandue, et certains de ses amis y croyaient certainement, il se disait qu'il n'était peut-être pas obligé de se restreindre à ça, qu'il pourrait peut-être découvrir des sentiments hétérosexuels pour ensuite faire ce que d'autres hommes gays faisaient, avoir une vie de famille. Et je crois qu'il pensait que ça valait la peine d'essayer. Comment on peut interpréter, Jean Lassaigle, le fait que Alan Turing, les tout derniers mois de son existence, aille voir un psychanalyste? C'est sans doute qu'il ne devait pas bien se sentir. On peut l'imaginer, c'est pour la raison pour laquelle on va voir un psychanalyste généralement. Et il avait effectivement toutes sortes de bonnes raisons d'aller se confier à quelqu'un. Voilà, il se trouve aussi que cette relation a évolué vers une amitié, puisque finalement il était reçu dans cette famille. On a pu interviewer les filles de ce psychanalyste qui étaient encore en vie il n'y a pas si longtemps, ou qui le sont peut-être encore d'ailleurs, je ne sais pas, donc qui ont pu parler de Turing et de la façon dont il se comportait. Donc c'est, elles ont dit que c'était quelqu'un d'extrêmement attentif aux enfants, d'extrêmement joueur, et donc voilà, elle jouait avec lui. Voilà. Vous voulez dire qu'il allait voir son psy et qu'il jouait avec les filles de son psy ? Oui, absolument. Il était reçu dans cette famille. Ouais, ouais. Outre le fait qu'évidemment, il avait des séances aussi de travail psychanalytique, à proprement parler. Il notait ses rêves, Turing. On le sait, mais on sait aussi que son frère aîné, John, après son suicide, a trouvé ce carnet et l'a détruit. On peut imaginer que c'était des rêves érotiques que la morale réprouvait. On peut l'imaginer. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Témoignage de John Turing à propos de son frère. J'ai rendu visite au psychiatre d'Alan qui m'a dit beaucoup de choses sur lui que j'ignorais. Entre autres, qu'il haïssait sa mère. Je refusais de le croire. Il m'a tendu deux carnets dans lesquels Alan avait écrit les choses que les psychiatres demandent à leurs patients, y compris leurs rêves. J'ai lu les deux carnets dans mon hôtel avec horreur. J'aurais voulu ne jamais le faire. Ses commentaires sur sa mère étaient épouvantables. En 1953, il est allé au club méditerranéen qui venait juste d'ouvrir à Corfou sur la côte grecque. And that, for that, I mean, those days, that was like the swingers' paradise. À cette époque, c'était le paradis des échangistes. Vu d'aujourd'hui, ça devait être très convenable, mais c'était dans le vent. If you were trying to find a bit of beach life. C'était le truc à la mode si vous cherchiez des moments à la plage avec du soleil, à attendre de voir ce qui pouvait se passer. Et il a écrit quelque part, je vais passer une bonne semaine. Une semaine à faire l'amour. Les sexes des partenaires n'étant pas encore décidés. Je suis assez certain qu'ils étaient décidés en fait. C'était sûrement un fantasme. La vie ne marche pas comme ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'arrestation et le procès en 1952 n'étaient pas la fin de sa vie du tout. En fait, à certains égards, c'était un nouveau début. Qu'est-ce qu'on peut imaginer des relations, Jean Lassègue, entre Alan Turing et son psychiatre les derniers mois de sa vie ? Ben, c'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce texte, hein, puisqu'il y a eu cet ouvrage collectif là qui s'appelait « Lettre à Turing ». Et on m'a demandé d'écrire une lettre à Turing. Et donc, je me suis dit que j'allais jouer son psychanalyste. Je peux vous demander de lire ces quatre lignes ? Oui, bien sûr. Vous auto-lire ? Voilà, je vais m'auto-lire. « Je me permets de vous écrire après que ma fille Maria m'a fait part de son inquiétude vous concernant. Il semblerait que dimanche dernier, pendant la journée à laquelle vous êtes joint à nous à la fête foraine de Blackpool, vous ayez consulté une diseuse de bonne aventure, la reine gitane, et que cette consultation vous ait bouleversé et plongé dans un profond mutisme. Je ne sais quelle prédiction a pu vous troubler à ce point, peut-être en sera-t-il ultérieurement question entre nous. J'ai eu le sentiment que ce qui vous avait troublé pouvait vous être apparu comme une prédiction néfaste. Cependant, je ne vous l'apprends pas, le futur n'est pas entièrement écrit, et il nous laisse à chacun un espace de liberté à conquérir, mais aussi à préserver. Une diseuse de bonne aventure. Oui, une diseuse de bonne aventure. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant quand même que... Ça, c'est vrai, en revanche. Hein. C'est Hangis qui le rapporte. J'ai aucune raison de douter de ça. Effectivement, la famille Greenbaum est allée à Blackpool, qui était pas très loin, sur la côte, où il y a une fête foraine en dur, qui est toujours là. Et cette reine gitane donc a dit quelque chose à Turing, et je me suis évidemment souvent posé la question de ce qui avait pu troubler Turing au point qu'il en soit sorti livide et muet pour que ça le trouble autant. Qu'a-t-elle dit à Turing ce jour-là pour que deux jours après il mette fin à ses jours? Thank you. Alan Turing se regarde dans le miroir en 1954, Arnaud Delalande, qu'est-ce qu'il voit ? Alors il se voit lui. Alors il se voit lui, pâle, blême, les yeux chassieux. Il ouvre sa chemise et puis il y a des seins à la place de son torse. Et donc l'image que lui renvoie le miroir n'est plus la sienne. Voilà, c'est comme Dorian Gray. Et c'est d'autant plus tragique pour cet athlète marathonien. Voilà. Donc c'est quelque chose, le regard de soi, je pense qu'il ne le supporte plus. Il est encore condamné au secret finalement, parce que de bout en bout de son histoire, jusqu'à ce cambriolage, où finalement il chute parce qu'il avoue son homosexualité, bon bah ça lui renvoie dans la figure qu'il vaut mieux se taire. Et donc il n'en peut plus. Alors, c'est pour ça que la thèse du suicide est quand même la plus probable. Et simplement, il a craqué. David Lagercrantz, romancier. I don't know, I figure him. Lonely and in despair. Je l'imagine seul et désespéré dans sa maison de Winslow. That life was sa vie sad and tragic. Triste et tragique. Alan Turing was dead in his bed. Alan Turing est mort dans son lit. On l'a retrouvé au matin du mardi 8 janvier 1954. Il a succombé à un empoisonnement au cyanure. Une fin abrupte qui, bien sûr, fascine tout le monde. Empoisonné au cyanure, dites-vous, Andrew Hodges? Au cyanure de potassium. Un poison mortel et rapide, le même qu'utilisaient les criminels de guerre nazis. En fait, Turing a toujours eu une fascination pour le poison, donc ce choix n'a pas été fait au hasard. Et puis, bien sûr, il y a cette fameuse pomme. Il a ingéré le poison. Il en avait dans tout le corps et il a dû la manger. Il n'y avait pas d'autre moyen de l'ingérer que de plonger la pomme dans le cyanure de potassium et de manger la pomme. Et il est presque certain que c'est ce qu'il a fait. Ensuite, ça soulève d'extraordinaires questions. Pourquoi a-t-il fait ça ? Et pourquoi dans ces circonstances ? J'ai visité sa maison pendant mes recherches. Winslow est un quartier assez aisé et quand vous rentrez, il y a un petit jardin. C'est une petite maison, mais assez haute, en briques. Mrs. Clayton, Alan Turing's housekeeper. Madame Clayton, la femme de ménage d'Alan Turing, a monté les escaliers, deux étages, je crois, jusqu'à sa chambre. Elle est entrée, il était tout à fait présentable, dans un pyjama bleu. Il était allongé sur le dos, et l'inspecteur de police a écrit plus tard qu'il avait un visage plutôt apaisé. Et c'est un des éléments qui leur ont fait penser à un suicide. Il était allongé là, avec le magazine The Observer, sa montre et une moitié de pomme croquée. Pourquoi cet homme de science fantastique a-t-il choisi une pomme ? Je pense qu'une des raisons est en fait assez absurde. Il était en même temps enfantin et brillant. Et à la fin des années 30, il avait vu le film de Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains, où la sorcière plonge une pomme dans le poison et la donne à Blanche-Neige. Thank you. 1954. Death in the sub-district of Wilmslow in the county of Chester. Décès dans le sous-district de Wilmslow, comté de Chester. Male, 41 years. Alan Matheson Turing, homme, 41 ans. He's a university reader and a fellow of the Royal Society. Maître de conférence à l'université et membre de la Royal Society. Here is a long description of the cause of death. Et puis il y a une longue description de la raison de la mort qui dit asphyxie due à un empoisonnement au cyanure. L'équilibre de son esprit étant à ce moment perturbé, décédé en ingérant une quantité de cyanure de potassium dans une solution dans la chambre à coucher de son domicile à Wilmslow le 8 juin 1954. Et après, ça dit PM, ce qui veut dire post-mortem. Dermot Turing, est-ce que vous avez un avis sur la raison du décès de votre oncle, Alan Turing? Oh, it's definitely a suicide. There's no question about that. C'est un suicide, il n'y a aucun doute là-dessus. The coroner's report is very clear. Le rapport du médecin légiste est très clair. Body of Alan Turing was completely saturated. Le corps d'Alan Turing était complètement saturé de poison. So it was a definite, deliberate Donc c'était un acte clair et réfléchi. There is plenty of evidence that he had considered. Et puis il y a une multitude de preuves montrant qu'il avait envisagé de se suicider à d'autres moments de sa vie. And he wanted to control the end of his life in the same way that he had. Il voulait contrôler la fin de sa vie de la même façon qu'il n'avait peut-être pas pu contrôler tout ce qui s'était passé dans sa vie. C'était sa décision. En tout cas, si certains continuent à se poser des questions, c'est aussi parce que si c'est un suicide, il a peut-être été décidé précipitamment, parce qu'on sait que, par exemple, il avait réservé l'ordinateur de l'université de Manchester les jours suivants. Je ne sais vraiment pas quelle a été la cause immédiate. Je ne sais pas, je ne connais simplement pas la réponse, pour être honnête. Ce que je peux vous dire, c'est que le week-end précédent, il faisait un temps affreux. On a une belle journée à Manchester aujourd'hui. Ce n'est pas normal pour la Grande-Bretagne et encore moins pour Manchester. Or, le week-end précédent, le suicide d'Alan Turing, il avait plu encore et encore. Et ça ne vous rend pas positif. Je ne dis pas que tout le monde se suicide quand il pleut, mais ça n'aide sûrement pas. Ainsi, au son de la pluie, s'en était allé Alan Matheson Turing, dont la mémoire, longtemps, ne demeurera vivante que parmi les cercles restreints de mathématiciens et d'informaticiens. Avant que, des décennies plus tard, son nom ne ressorte de l'oubli, ce sera l'objet du dernier épisode de cette série demain. C'était donc Le Bug, troisième épisode de cette grande traversée consacrée à Alan Turing et signé Amaury Chardot, Romain Weber et Yvon Croisier. Avec David Lagercrantz, romancier, Jean Lassec, philosophe, Laurent Lemire, journaliste, James Sumner, historien des technologies à l'Université de Manchester, Eva Navarro-Lopez, chercheuse à l'École des sciences de l'informatique de Manchester, Mike Krushten, étudiant, Pierre Mounier-Kuhn, chercheur au CNRS, Dermot Turing, neveu d'Alan Turing, Andrew Hodges, biographe, Laurent Alexandre, romancier et essayiste, Jonathan Swinton, chercheur en histoire des mathématiques et des théories biologiques, Gérard Berry, informaticien et professeur au Collège de France, et Jean-Gabriel Ganassia, chercheur en intelligence artificielle. Traduction lue par Elodie Hubert et Anne Stephens. Archivina, Isabelle Faure, avec l'aide des services de la documentation de Radio France. Extrait des films Imitation Game de Morten Tildum et Blanche-Neige et les Sept Nains, produit par Walt Disney. Bibliographie et liens sur le site de franceculture.fr où vous pourrez réécouter et télécharger cette émission. À demain pour le quatrième et dernier épisode.